Le printemps est enfin arrivé et pour vous préparer pour la belle saison, le magasin Canadian Tire est fin prêt. Que ce soit pour les articles de piscine, tondeuse ou le centre du jardin qui ouvrira très bientôt, le magasin Canadian Tire a tout ce qu'il vous faut. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Adolbo-Mistassini, canadiantire.ca. Le magasin Canadian Tire tient à souligner le mois de l'arbre et de la forêt. La forêt, un des moteurs économiques de notre secteur. Parler de la Ligue nationale de hockey avec notre ami Stéphane Lebeau. Salut Steph. Salut Danny. Stéphane, je veux te parler des séries. Lundi, je me suis entretenu avec l'analyste des matchs à la télévision des Knights de Las Vegas, Éric Lacroix. Et écoute, comment tu trouves ça, toi? C'est-tu fun ou vrai, c'est-tu rafraîchissant ou c'est un peu embarrassant pour la Ligue nationale? Ben moi, je le vois plutôt du côté rafraîchissant. OK. D'avoir une belle histoire comme celle-là pour une organisation et des joueurs qui ont passé sous le radar dans leurs propres équipes, qui maintenant, ensemble, deviennent une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Mmh. Je trouve que c'est une belle histoire, un peu à la Cendrillon, mais quand même, il faut donner crédit à George McPhee, qui connaît son hockey, qui a été en grande partie le bâtisseur des Capitals de Washington, même si ceux-ci n'ont pas gagné la Coupe Stanley. C'est une équipe de très bonne qualité. Et là, réussir à répéter un peu cet exploit-là, c'est-à-dire une équipe qui peut aspirer à la Coupe Stanley aussi rapidement, ben, c'est un exploit vraiment des plus remarquables. Là. Ah oui, mais là, écoute, il y a eu une émotion. Eric m'a revenu deux fois, je pense, dans l'entrevue avec Histoire. Tu sais, la tuerie qu'il y a eu à Las Vegas qui a fait des morts, là, je ne sais pas si tu en rappelles. Ça a amené de l'émotion. Mais je ne suis pas sûr que l'an prochain, tu vas reprendre le même groupe et que ça va être ça, hein? Bien, ça sera à voir, mais je pense que la façon dont ils travaillent, ils savent exactement ce qu'ils s'en vont. Le concept d'avoir des super vedettes pour gagner des championnats n'a pas toujours été la recette qui a fonctionné. Maintenant, on s'aperçoit là, qu'avoir une équipe complète avec beaucoup de profondeur, des joueurs de qualité, bien, ça peut faire le travail. Est-ce qu'ils vont soutenir ça à chaque année? Je ne le sais pas. Mais de toute évidence, là, depuis le début de l'année, c'est une équipe qu'on prend à la légère ou qu'on sous-estime. On pense toujours, parce que c'est un club d'expansion, là, ils vont casser à un moment donné. Mm. Mais ils ne cassent pas. Est-ce qu'ils vont s'arranger jusqu'à la finale de la Coupe cette année? Je ne le sais pas vraiment, parce que là, il y a des bonnes équipes encore devant eux. Mais de toute évidence, juste le parcours qu'ils ont réalisé cette année, ben, je pense que ça doit faire réfléchir là beaucoup de directeurs généraux dans la Ligue nationale qui essaient de trouver une formule secrète en essayant d'engager les super vedettes lors des marchés des joueurs autonomes, alors que peut-être à cibler les bons individus qui coûtent pas cher, mais qui vont performer ensemble, on voit qu'on peut avoir du succès avec cette recette-là. Tu sais, regardes dans William Carson qui a 43 buts, qui aurait dit ça, là? Tu sais, Marchessault, il l'avait fait avec les Panthers, c'était correct. Marc-André Fleury, on savait que ça allait être la pierre angulaire, mais Carson, c'était la grande surprise, là. C'est la grande surprise de toute évidence. Il y a peut-être une couple de ces joueurs-là là, à l'intérieur de Vegas qui jouent un rôle un petit peu moins important parce qu'ils jouaient dans des très bonnes équipes. Donc, c'était peut-être des joueurs dormants qui étaient pour exploser à un moment donné. L'histoire de Carlson, c'est remarquable. Tout le monde a le droit de connaître des grosses saisons dans la Ligue nationale. Tout le monde a le droit de saisir sa chance et c'est ce que plusieurs joueurs font à Vegas. Maintenant, la question va se poser en début de la saison prochaine. Est-ce que Vegas peut répéter son exploit? Après un an, déjà beaucoup de pression pour eux. Mais je pense que, comme je l'ai mentionné, là, on s'aperçoit que c'est pas nécessairement les équipes avec les meilleurs joueurs qui gagnent des championnats, mais c'est souvent les joueurs avec la meilleure équipe. C'est une grosse différence. Puis à Vegas, bien coaché, bien encadré, bien, on voit que c'est une belle machine de hockey. OK. Stéphane, justement, ça va venir par la suite avec les Jets contre Nashville. L'équipe qui va sortir de cette série-là va sortir amochée, ce qui va favoriser les Knights. Es-tu d'accord avec moi? Oui, tout à fait. D'autant plus là, que c'est Vegas, émotif, c'est une équipe qui joue avec beaucoup d'émotions, comme tu le mentionnes, mais c'est une équipe qui est tellement rapide, qui joue avec tellement d'énergie. Donc, soutenir la cadence des Golden Knights n'est pas chose facile. Et l'équipe qui va sortir de là va avoir tout un contrat entre les mains, d'autant plus que Fleury, il fait le travail dans le filet pour Vegas. J'ai l'impression qu'on assiste à plusieurs finales à l'avance. Pour moi, Nashville, Winnipeg, c'est les deux meilleures équipes de la nationale au classement général. C'est quasiment une finale avant la finale, mais on peut dire pratiquement le même discours pour les autres séries, parce que on assiste à du hockey enlevé, du hockey inspiré de, dans toutes les séries jusqu'à maintenant, je pense. OK, OK. Donc, comment tu vois ça demain, la série? Moi, je pense que ça va être difficile pour les... les prédateurs, c'est drôle. Rene a été très bon dans le sixième match, mais il n'a pas été super pendant la série. Là. Non, depuis le début de la série, sans dire qu'il a été une faiblesse, il n'a pas été une force non plus. On s'attendait à lui là, qu'il soit peut-être plus solide. Demain, c'est un match numéro 7. Mm. Je pense que Winnipeg a manqué une grosse opportunité à la maison. Le début de match sera important. Pour le mental des Jets de Winnipeg, c'est important d'effacer rapidement cette défaite-là et revenir. Ça va jouer d'un côté comme de l'autre. D'un côté, une équipe peut-être plus rapide. De l'autre côté, en Winnipeg, une équipe plus physique. Je pense que l'expérience de Nashville, et j'ai espoir que Rene fasse le travail, j'ai l'impression que Nashville ont gagné le gros match numéro 6 et vont poursuivre leur domination demain soir, mais je m'attends à un match très sérieux. Ah, ça va être un très très bon match, puis écoute, je pense que tout le Canada va être derrière les Jets, par contre ça va être intéressant. Hey, je veux te parler des Pingouins de Pittsburgh, des Pingouins qui ont été éliminés. C'est pas compliqué à analyser cette série là. Brendan Oldby était meilleur que Matt Murray. En gros, c'est ça. Les Capitals de Washington jouaient peut-être aussi du hockey un peu plus désespéré. On voyait bien là que veut pas, là, après deux Coupes Stanley consécutives, c'est encore un parcours remarquable cette année pour les Pingouins de Pittsburgh. Ça demande beaucoup d'énergie. Et là, lorsque ton gardien de but ne fait pas toujours les arrêter, ça peut jouer un petit peu sur le mental. Ils se sont bien battus. C'était peut-être l'année d'Ovechkin et des Capitals de Washington. C'est quand même dommage. Je ne cacherai pas que je souhaitais voir une demi-finale entre Pittsburgh et Tampa Bay. Ça aurait été pour moi la demi-finale souhaitée dans l'Est. Mais maintenant, ça serait intéressant de voir si les Capitals de Washington vont continuer à jouer du bon hockey inspiré ou bien non, s'ils vont juste s'être contentés d'avoir éliminé là, les champions de la Coupe Stanley. Okay. Ben Stéphane, un gros merci. On se reparle prochainement puis on va se parler du... À un moment donné, ça va faire... mais quand on va se reparler, probablement qu'on va se parler d'une table avec une table ronde sur les 25 ans. Ça fait déjà 25 ans que le Canadien avait remporté la Coupe Stanley. T'étais dans l'équipe et on va se reparler de ça. Oui, le 9 juin, 25 ans. Donc, ça sera un plaisir que de se remémorer tous ces beaux souvenirs-là. Ben, Stéphane, on se reparle bientôt. Stéphane Lebeau, notre collaborateur hockey.